abîmées et les faces de pioche autant que les minées. On mit le feu en sautant à l'envers, la tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Tomber la chemise.